بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, لا أعبد ما تعبدون Je n'adore pas ce que vous adorez. ولا أنتم عابدون ما أعبد Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. ولا أنا عابد ما عبدتم Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. ولا أنتم عابدون ما أعبد Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. لكم دينكم ولي دين À vous votre religion, et à moi ma religion.